Elle est partie pour l'école un matin de bonheur. Elle m'a souri, m'a fait signe de la main. Elle disparaît et j'ai comme une montée de chagrin. Je me sens si seule quand elle est loin. J'ai cette impression de la perdre à jamais et sans vraiment l'avoir connue de près. Je garde les rires qu'elle m'a fait partager, drôle de petite poupée. Mais le temps me glisse entre les doigts, au creux de ma main ne reste rien. Elle est déjà loin, ses 20 ans me glissent entre les doigts. J'aimerais tant qu'elle soit comme je la vois, que jamais le temps ne la rattrape. Pourtant elle m'échappe, comme le temps me glisse entre les doigts. Mal réveillée, toutes les deux, attablées le matin, les yeux fermés, sans conscience du temps qui passe. Elle est partie, je suis seule et je me sens coupable. La mélancolie prend toute la place. Où sont passées nos aventures un peu folles, les voyages qu'on c'était imaginé. Si j'en ai fait certains, les autres s'envolent. Pourquoi tout doit faner? Comme le temps me glisse entre les doigts, au creux de ma main ne reste rien. Elle est déjà loin, ses 20 ans me glissent entre les doigts. J'aimerais tant qu'elle soit comme je la vois, que jamais le temps ne la rattrape. Pourtant elle m'échappe, comme le temps me glisse entre les doigts. Parfois je rêve d'un simple arrêt sur l'image. Viens me conduire à l'hôtel. Maman, je suis tellement fière de toi. Elle est partie pour l'école un matin de bonheur. Elle m'a souri, m'a fait signe de l'heure.